Chapitre 12e, la veille des assises. La chambre des mises en accusation, après une longue instruction, avait été enfin saisie du crime de Faubourlois. Flavien Morin fut renvoyé devant la cour d'assises de Nevers, et son procès, inscrit en tête des rôles de la session, devait s'ouvrir le lendemain. La curiosité publique, surexcitée par les indiscrétions de la presse, avait amené un immense concours de désœuvrés dans la capitale de la Nièvre. Les hôtels regorgeaient d'étrangers, et les grands journaux de Paris avaient dépêché le reporter pour suivre les débats. Il est presque superflu de dire que les dames, qui étaient accourues de tous les points du département, assiégeaient la justice de leurs demandes et qu'obtenir un billet d'entrée était une grosse affaire. Cette curiosité et cet empressement s'expliquaient. L'affaire de Faubourlois renfermait toutes les attractions qu'on recherche dans les drames judiciaires. D'abord, on savait que l'accusée était fort jeune et admirablement belle. En second lieu, une femme du plus grand monde, une duchesse, devait figurer comme témoin. De plus, la mort dramatique et inexpliquée du duc de Vallombreuse, l'accusation qui serait soutenue par le procureur général en personne et la présence du docteur Cavarox, qui avait joué un rôle très important dans l'expertise et dont le témoignage serait invoqué. Enfin, la défense confiée à un jeune avocat du barreau de Paris, autour duquel les journaux avaient fait grand bruit, tout contribua à donner à ce procès des proportions gigantesques. Il n'était point jusqu'à Martineau qui ne fut le point de mire de tous les regards, le sujet de toutes les conversations. L'énorme publicité donnée à cette affaire, et dont il pouvait à bon droit réclamer la paternité, lui avait créé dans la presse une véritable popularité. Aussi, la meilleure place lui avait-elle été réservée dans la tribune mise à la disposition des journalistes. La duchesse de Vallombreuse, peu soucieuse de se donner en spectacle à la foule, était descendue incognito pendant la nuit à Nevers dans une maison amie avec ses deux filles. Sa porte avait été rigoureusement fermée pour tout le monde, à l'exception de deux personnes, le vicomte de Kerlusset, le fiancé de Marcel, et Maurice de Lavernay, le fiancé d'Ève. Flavia, aussitôt après la notification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, avait été transférée dans la prison de Nevers. C'était là qu'elle devait attendre son jugement. Elle avait rencontré dans sa cellule de Château-Chinon des témoignages de compassion et même de sympathie. Le juge d'instruction du Ranger s'était efforcé, on s'en souvient, d'apporter quelque soulagement à sa captivité. Il n'en fut pas ainsi à Nevers. Le directeur de la prison, un ancien militaire, était un homme rigide. La prison était à ses yeux un régiment, et tout devait s'y passer militairement. Point de faveur, point de distinction, tous les prévenus, quels qu'ils fussent, étaient égaux devant lui. C'étaient des numéros, rien de plus. Lorsque Maître Maxou, la veille de l'ouverture des assises, se présenta pour conférer une dernière fois avec Flavia, le redoutable directeur compulsa son registre. « Salut le numéro 12, » dit-il. « Vous pourrez voir l'accusé de 2h à 5. »« Pourquoi pas tout de suite ?» répondit Maxou. « C'est le règlement. »« Mais je suis son défenseur. » »« Ayez une permission du procureur et la consigne sera levée. » Maître Maxou eut beau insister, il se brisa contre une muraille. Il fut obligé d'attendre l'heure réglementaire. Enfin, 2 heures sonnèrent, et un geôlier le conduisit auprès de Flavia. Une maigre couchette, une petite table et une chaise composaient tout l'ameublement de la cellule. Elle n'avait pas revu son défenseur depuis sa translation à Nevers, et elle fit un mouvement de joie lorsqu'il entra. Elle était belle comme autrefois, et rien chez elle ne trahissait la faiblesse ou le découragement. Son visage seulement avait revêtu cette blancheur marmoréenne que produit le séjour des prisons. Elle offrit sa chaise à Maxou, et il s'assit sur son pauvre grabat. « Eh bien, lui dit-elle en souriant, je touche enfin au terme de mon martyr. Vous n'avez pas perdu l'espoir d'être acquitté, lui dit son avocat en lui serrant la main. Acquitté ou condamné, mon sort sera fixé. Rien n'est plus horrible que l'incertitude. Oh, tout semble conspirer contre nous, reprit brusquement son défenseur. Qu'est-il survenu encore ? Demanda-t-elle froidement. Maxou plongea ses regards dans les yeux de l'accusé. « Ce n'est plus l'heure des réticences, » poursuivit-il d'une voix brève. « Parlez-moi sincèrement. Je me suis chargé de votre défense, et que vous soyez coupable ou non, je ne faillirai point à ma tâche. Mais si vous avez manqué de confiance envers moi, si vous m'avez trompé, il faut que je le sache. Je veux le savoir. Eh bien, je plaiderai les circonstances atténuantes, j'invoquerai votre jeunesse, j'implorerai la pitié des juges, je les attendrirai, je vous le répète, interrompit Flavia. « Je suis innocente, et j'entends que vous plaidiez mon innocence, ou je me défendrai moi-même. »« Votre innocence ? Mais comment l'établir lorsque tout vous condamne ?»« Un instant, je vais espérer trouver le mot de l'énigme près du duc de Vallombreuse. Le duc nous a échappé, et s'il avait un secret, il l'a emporté dans la tombe. »« Quoi ? Il est mort ?» s'écria la prévenue stupéfaite. « Il s'est tué. »« Tué ?» murmura Flavia. « Hier encore ?» poursuivit le jeune avocat. « Je tenais un fil à l'aide duquel je pensais sortir de cet infernal dédale. Il s'est brisé dans ma main. »« Un fil, dites-vous ? » ?»« Oui. Ce papier qui porte la marque du riage et dans lequel on a trouvé du poison. Ce papier qui pouvait être votre salut. Eh bien, le facteur, appelé en témoignage, a déclaré qu'il avait, en effet, apporté au château de Faubourlois une lettre timbrée du riage adressée à Madame de Vallombreuse. « À la duchesse ?» interrompit Flavia. « Oui. » Mais hélas, cette lettre, que j'ai eue ce matin même entre les mains, était datée du 20 août, c'est-à-dire le lendemain, du jour où l'arsenic a été découvert dans ce fatal album. Comprenez-vous maintenant ? Oui, répondit l'accusé d'une voix défaillante. Si bien, continua le jeune avocat, que je suis en présence d'un crime et que je n'ai derrière moi que le néant. Il s'arrêta pendant quelques secondes, puis il reprit. Oui, le néant. Car le silence m'est recommandé sur les tentatives de séduction du duc. Ou si j'en parlais, chacun dirait que vous avez voulu empoisonner sa femme pour devenir duchesse de Vallombreuse. Mais ce serait épouvantable, s'écria Flavia avec indignation. Il ne nous reste plus qu'une planche de sauvetage, ma pauvre enfant, continua Maxou. C'est le mobile du crime qui échappe. On nous montre bien le poison, mais on ne peut nous dire pourquoi nous l'aurions versé. Donc, le mobile échappant, le doute subsiste. Il doit être interprété en notre faveur. Allons, je le vois, je suis perdu, bien perdu, murmura Flavia avec résignation. Qui sait ? Répliqua son défenseur. Les incidents des débats me fourniront peut-être quelques lumières inespérées, et alors ? Non, tout est fini pour moi, bien fini. Les drames de la justice sont souvent remplis d'imprévus. La déposition d'un témoin suffit parfois pour changer tout à coup la face d'une affaire. Que Dieu fasse donc ce miracle de la dernière heure, sans quoi je suis à l'avance irrévocablement condamné. Oui, s'il y a une providence là-haut pour les innocents, il est temps qu'elle intervienne, dit Maxou. Quoi qu'il en soit, ce sera pied à pied, pouce à pouce, je le jure, que je vous disputerai à l'accusation. Oh, je n'en doute pas, je n'en ai jamais douté, répondit la jeune fille. Et absoute ou non, ma reconnaissance vous suivra jusqu'à mon dernier soupir. En prononçant ces paroles, elle baisa plusieurs reprises la main de son avocat. « Je suis trop pauvre, continua-t-elle, pour reconnaître votre dévouement autrement que par mon cœur. Mais je serais bien heureuse si vous vouliez accepter ceci comme souvenir. C'est peu de chose. Une pauvre petite bourse de soie que j'ai brodée dans mon cachot en pensant à vous. » Elle tendit à Maxou une bourse de soie bleue. Un vrai travail de fée. Une larme mouilla la paupière de Maxou. Il prit l'offrande de Flavia, puis se dirigeant vers la porte. « À demain, cher enfant. Espérons tous les deux en la Providence. Et bon courage !»